Bonjour à toutes et à tous. Alors que cela fait un an que nos yeux et nos émissions sont rivés vers l'est du continent européen, nous avons pris la décision de thématiser aujourd'hui les relations Europe-Afrique. Oui, c'est un sujet très très vaste, mais notre équipe de rédac a choisi de parler de problématiques rarement abordées malgré leur importance. Donc restez avec nous. Vous êtes sur Fadjet 94.2 et vous écoutez Europe and Roll. L'équipe au grand complet vous attend comme chaque semaine pour décrypter l'actualité de l'Europe et de l'Union européenne, comprendre ce qu'il s'y passe, le tout en musique bien sûr. Nous sommes diffusés le dimanche à 13h, le lundi à 17h30 et le mardi à midi et sommes également disponibles en podcast sur Spotify et encore.fm. Actu, débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe and Roll. La question des relations Europe-Afrique est vaste, longue et compliquée. Ce sont des sujets sur lesquels nous ne sommes pas assez informés et qui sont pourtant primordiaux. Pour commencer notre émission, Angelina va nous parler des opportunités économiques pour l'Europe en Afrique, puis comment résoudre le problème des œuvres d'art volées par les Européens en Afrique, Suzy nous le dira. La Minute Culture sera présentée par Mathilde. Enfin, Inès nous reconduira au thème initial de l'émission en nous parlant des crimes commis au XXe siècle par les Européens, à savoir l'Italie et l'Allemagne. Comme chaque semaine durant notre émission, nous aurons le plaisir d'écouter des chansons choisies par Gaëtan. Ça, c'est voilà les titres pour cette émission spéciale Relations Europe-Afrique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons le tour de l'actualité européenne présentée aujourd'hui par notre fabuleuse Mathilde qui fait la technique en même temps. Bonjour Mathilde. Merci Léandra, et avant que je m'en mêle les pinceaux, disons tout de suite qu'après notre émission consacrée la semaine dernière à la réforme des retraites, je me garderai bien d'évoquer dans ce journal les récents événements qui bousculent la vie institutionnelle de notre pays, et c'est donc bien d'Europe dont il sera question. Partons donc tout de suite vers l'Italie, où le gouvernement de Giorgia Meloni semble être dans la tourmente. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, la chef du gouvernement italien s'attire en effet les foudres de ses partenaires européens. Tout à fait, c'est une fois n'est pas coutume à propos de la question migratoire que les esprits s'échauffent. Le naufrage survenu au large de la Calabre et ayant coûté la vie à 79 personnes a d'abord entraîné des manifestations dans le sud de l'Italie en réaction au drame qui aurait pu, selon certains, être empêché. On le sait, la politique de Giorgia Meloni ne se veut guère progressiste dans ce domaine et le conseil des ministres italiens tenu en urgence dans la région concernée l'a confirmé. La première ministre s'est donc prononcée pour un durcissement des mesures qui concernent l'immigration, avec notamment l'instauration d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison pour les passeurs, mais aussi un rapatriement accru des migrants illégaux. Elle entend également faire passer une mesure pour supprimer les titres de séjour accordés pour des raisons humanitaires. Pour autant, toutes ces initiatives, regroupées dans un décret présenté par le gouvernement, manquent le sujet au cœur des polémiques actuelles, c'est-à-dire les opérations de sauvetage en mer. La première ministre a affirmé dans une lettre écrite à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, que son but n'était pas de mettre une fin totale au mouvement migratoire vers l'Europe, mais pour le reste des membres de l'UE, c'est bien aux principes européens que Giorgia Meloni devra se conformer. Des dissonances se font également entendre du côté de l'Allemagne, ce qui pourrait avoir de quoi inquiéter à l'échelle européenne. Le Monde parle effectivement de désordre allemand, ce qui peut bien nous étonner, venant de nos voisins germains connus pour leur organisation sans faille. Il semblerait que la machine commence à rouiller en raison de désaccords au sein de la coalition au pouvoir. Rappelons que celle-ci, appelée coalition tricolore, regroupe le Parti social-démocrate, le Parti écologiste ainsi que le Parti libéral-démocrate. En à peine une semaine, les Allemands ont surpris par deux de leurs décisions. D'abord le 7 mars, le ministre des Transports du gouvernement d'Olaf Scholz a affirmé son intention de ne pas voter en faveur de l'interdiction des véhicules neufs à moteur thermique avant 2035. Ensuite, le 14 mars, Christian Lindner, ministre des Finances, a lui aussi fait volte-face en demandant la modification d'une disposition sur la réforme future du pacte de stabilité et de croissance. Alors si le contenu de ces textes en eux-mêmes peuvent paraître obscurs, c'est surtout le fait qu'ils avaient déjà fait l'objet de négociations à Bruxelles qui est ici intéressant. Ces retournements sont le signe de la volonté de ces deux ministres, tous deux issus du Parti libéral-démocrate, plutôt centrés sur les questions économiques, de montrer leur importance au sein des institutions européennes. Mais cela participe à mettre le chancelier Olaf Scholz dans une situation délicate. S'il veut pouvoir gagner la confiance de ses partenaires européens, il devra montrer que lui aussi sait imposer sa volonté et faire que son gouvernement se tienne à ses engagements. Et enfin, c'est sur une étonnante victoire aux Pays-Bas que s'achève ce journal. Les élections du Sénat néerlandais signent en effet l'avènement d'un nouveau parti, le BBB, le mouvement agriculteur citoyen, qui a remporté mercredi 15 mars 15 sièges à la Chambre haute du pays. Il est ainsi devenu la première formation politique marquant l'échec inattendu du parti du Premier ministre Mark Rutte au pouvoir depuis 2010. Le parti de Caroline van der Plas a su se réapproprier la question écologique pour parler aux agriculteurs se sentant menacés par la réduction des émissions d'azote voulue par le gouvernement. Disposant de liens étroits avec l'industrie alimentaire néerlandaise, le parti se centre ainsi sur la défense des agriculteurs et peut être placé plutôt à droite du spectre politique. Les autres élus vont maintenant devoir négocier pour former des coalitions avec le BBB présent dans chaque province du pays. Merci Mathilde pour ce journal. Je me tourne maintenant vers Angelina qui va nous parler des opportunités économiques pour l'Europe en Afrique. Bonjour Angelina. Bonjour Léandra. Et oui, parce que hier comme aujourd'hui, l'étendue des relations entre Union européenne et Afrique se fait surtout sur le mode économique. Alors, quel état des lieux des relations économiques entre l'Afrique et l'Union européenne ? Le 17 et 18 février 2022 se tenait à Bruxelles un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, institution représentant les intérêts de tous les pays africains. Et bien évidemment, les questions de relations commerciales bilatérales étaient à l'ordre du jour. C'était l'occasion pour l'Union européenne, de renouveler son soutien pour les projets commerciaux africains tels que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, pour les intimes, reliant une trentaine de pays africains. Impulsée il y a 15 ans, l'Union européenne s'était positionnée en faveur de ce projet qui a pour objectif de supprimer à terme 90% des droits de douane entre 30 pays africains. Mais faut-il lire là la marque désintéressée de l'enthousiasme européen pour le libre-échange ? Alors oui, mais non, car si l'Union européenne soutient autant ce projet, c'est parce qu'il risque d'être en faveur du commerce européen. L'Union européenne, par le biais de ses entreprises, est en effet le premier investisseur du continent et son premier partenaire commercial. Mais comme le souligne René Nguetia Kouassi dans son article « Coopération Afrique-Europe, pourquoi faut-il changer de paradigme ?» paru en 2016, ces partenariats commerciaux se font au profit d'un charcutage géographique, je cite, de l'Afrique, avec plusieurs accords ne rendant pas compte d'un rapport unifié au continent. On dénombre notamment trois zones. D'une part, l'Afrique du Nord et l'Union européenne sont liées par la politique européenne de voisinage. L'Afrique du Sud et le Sahara sont liés aux accords Cotonou. Et l'Afrique du Sud uniquement bénéficie de l'accord au nom assez remarquable de ACDC, qui non, ne fait pas référence au groupe, mais aux accords de commerce, de développement et de coopération. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne préfère se voir comme un soutien de l'Afrique. Et si soutien il y a, il est surtout financier. À ce sujet, en 2022, Ursula von der Leyen a annoncé un plan Afrique-Europe de 150 milliards d'euros d'investissement et affirmé vouloir mobiliser plus de 300 milliards d'origine publique et privée sur le continent d'ici 2027 dans le cadre du plan Global Gateway. Certains commentateurs ont vu dans cette politique d'investissement massive la volonté de faire face au grand plan américain Blue Dot Network et le plan chinois Belt and Road Initiative. Des grandes puissances qui prétendent monopoliser l'hégémonie économique sur les pays africains, un petit air de déjà-vu peut-être. Mais bien évidemment, ce qu'il faut voir de ces relations commerciales européennes et africaines, c'est qu'elles se font surtout par le biais des acteurs étatiques qui, souvent du passé colonial, conservent des liens forts avec certains pays, ou par le biais des entreprises profitant grandement de ce statut de partenaire privilégié de l'Union européenne pour s'implanter. L'un des exemples les plus frappants de cette réalité est le projet ICOP mené par Total, qui vise à installer un oléoduc chauffé au travers de la Tanzanie, traversant villages, traversant réserves naturelles, et ce pour des maigres compensations, si ce n'est grâce à des intimidations. À ce sujet, on ne compte plus le nombre d'activistes qui dénoncent le projet comme une bombe climatique aux conséquences humanitaires indignes, affectant 100 000 habitants. Et d'ailleurs, voilà ce qui m'amène au point de tension que nous avons tous et toutes en tête. Politique commerciale européenne avec l'Afrique, est-ce un synonyme de colonialisme économique ? Ce qui est sûr, c'est que ces liens forts ne sortent pas de nulle part et qu'à minima, la situation économique difficile qui justifie plus ou moins les partenariats européens et les aides financières qu'ils permettent trouvent leur cause directement dans cette histoire coloniale et l'économie coloniale qu'elle introduisait. Mais aujourd'hui, l'exemple de Total illustre combien les entreprises multinationales européennes prennent le leadership du néocolonialisme. Et peu importe l'acteur, en réalité, force est de constater que l'exploitation des ressources économiques telles que les minerais rares à tout va a des relents de colonialisme, ayant amené le pape François à déclarer le 1er février 2023 « Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser » en dénonçant un véritable colonialisme économique. Et si le pape le dit, Merci Angelina pour cette analyse. C'est l'heure de la première pause musicale. Gaëtan, qu'est-ce que tu nous fais écouter ? Alors, on va commencer par écouter Fais ça bien de Damso et Fally Ipupa. Ces deux artistes sont des symboles des liens musicaux entre l'Europe et l'Afrique. Damso tout d'abord par sa binationalité belgio-congolaise et pour qui ce morceau vient s'inscrire dans la lignée de nombreux morceaux à sonorité africaine sur lesquels Damso parle de sa vie au Congo et dénonce sur la situation du pays comme pour l'argent ou même issu. Fally Ipupa par le nombre de feats qu'il fait avec des artistes francophones européens notamment, mais le morceau est sur un sample de rumba, la première de trois sonorités africaines devenue majeure en Europe, dont je vais vous parler aujourd'hui. Que j'ai tout pour éviter que la faucheuse me prenne de court. J'ai un couteau en main, j'ai la rose dans le dos. Et les filles de putain là juste pour les sous dans le banks. Je traîne, bloc dans le siècle, je roule un perce, retire pour oublier la tour. J'ai des millions d'euros pour des milliards de regrets. Pour gagner ma vie, j'ai dû perdre des retraits. Tellement de cartes dans le coffre à bijoux. J'ai des dizaines de loyers au poignet, je brille. Je suis dans l'embarras, je prends la 12 ou un cognac. Et ici de 12 ans de vie, j'ai changé, devenu méchant. Je suis le sixième élément de Luc Besson. J'embrasse le béton, mon amour est de pierre. J'arrache mes paupières pour voir la lumière dans le brosson. Merci Gaëtan pour cette première pause musicale. C'était Fais ça bien sur Europe & Roll. Nous le disions avant la pause, l'Union Européenne a toujours eu des intérêts un peu problématiques concernant le continent africain. Cela a entre autres mené à des pillages, souvent violents, d'œuvres pour les exposer en Europe. Suzy, tu es là pour nous parler de la restitution d'œuvres d'art. Bonjour Léandra. Comme vous le savez sûrement, Emmanuel Macron était en tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, à savoir le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo, il y a 2 semaines de cela. Le lundi avant son départ, le président a annoncé dans un discours à l'Élysée une loi qui encadrera de prochaines restitutions d'œuvres d'art aux pays africains qui le demandent. Il ajoute que cette loi sera proposée au Parlement par le ministère de la Culture dans les prochaines semaines. Le but sera donc de fixer les critères et les méthodes à suivre dans le cadre de ces restitutions. La question de la restitution des œuvres d'art exposées dans les musées européens aux pays d'Afrique à qui elles appartiennent fait énormément de débats, surtout ces dernières années, avec les différentes opérations de restitution qui ont eu lieu. Ça a l'air d'être un sujet super passionnant. Tu n'aurais pas un petit exemple pour introduire tous ces détails ? Alors, il faut déjà savoir que la France est le premier pays occidental ayant engagé un processus de restitution des œuvres d'art vers l'Afrique. Une victoire récente peut être attribuée au Bénin, qui a récupéré en novembre 2021 26 trésors royaux qui avaient été pillés en 1892 par les troupes coloniales françaises dans le palais d'Abomey. Elles ont été exposées pour la première fois dans le palais présidentiel de Cotonou en février 2022. Selon l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, qui a écrit un rapport pour la France à ce sujet, l'idée n'est plus de s'inscrire dans un mouvement de décolonisation avec ces restitutions, mais plutôt dans une logique globale de justice sociale et patrimoniale, d'égalité et de lutte contre le racisme. Pour Bénédicte Savoie, il faut remédier à une immense inégalité, un certain déséquilibre, puisqu'en effet la quasi-totalité du patrimoine artistique des pays africains se trouve dans des musées européens, avec au total près de 500 000 pièces auxquelles il faut ajouter les collections du Vatican dont on ne connaît pas l'étendue. Il convient aussi de rappeler que si une immense quantité d'œuvres d'art africaines est conservée en Europe, seule une infime partie est exposée et montrée. Une inégalité est donc réparée grâce à cette mesure et c'est un bon début. Mais n'y a-t-il pas tout de même une dimension politique cachée dans ces restitutions ? Alors oui, bien sûr, l'idée n'est pas seulement de réparer un simple déséquilibre quantitatif, mais bien, et c'est une idée qui est aussi défendue par Bénédicte Savoie, de souligner que ce qui s'est déroulé durant ce passé colonial des 19e et 20e siècles n'est plus acceptable aujourd'hui et ne doit plus être reproduit. Ces œuvres et objets ont souvent été récupérés par les colons européens sous le coup de menaces, voire même de violences à l'égard des populations, ce que Bénédicte Savoie qualifie d'extraction culturelle. Au-delà de faire bonne figure en promettant que le passé ne se rejouera pas, les pays européens assurent aussi par ces restitutions de meilleures relations avec les pays africains. Même si nous n'avons pas actuellement assez de recul pour mesurer l'influence de celles-ci sur ces relations entre les deux continents, on peut penser que cela posera le cadre d'une nouvelle éthique relationnelle qui permettra même aux pays africains de prêter volontairement leurs œuvres une fois qu'ils se les seront réappropriées. Tu nous as surtout parlé de la France et du Bénin, mais est-ce le seul exemple de restitution ou y a-t-il d'autres opérations ? Alors la France est peut-être le premier pays à avoir concrètement mis en œuvre une telle restitution, mais elle a quand même entraîné derrière elle une sorte de mouvement. En effet, l'Allemagne a restitué en décembre 2022 au Nigeria 20 œuvres d'art pillées durant la colonisation et notamment des bronzes du royaume du Bénin. Aux Pays-Bas ainsi qu'en Belgique, de nombreuses demandes de restitution d'œuvres d'art ont été formulées et les pays tentent d'adapter leur législation pour accélérer ces procédures. Ce phénomène va donc s'accentuer dans les prochaines années et devenir un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Mais ce mouvement ne se limite pas à l'Afrique et touche aussi le continent asiatique avec des demandes venant notamment du Sri Lanka, de l'Inde, de l'Indonésie et de l'Irak. Des affaires donc passionnantes à suivre de près quand on s'intéresse aux relations Europe-Afrique. Merci pour ton éclaircissement. Nous retrouvons maintenant Mathilde pour le Flash Culture. Bonjour. Bonjour Léandra, merci. Alors il ne serait pas étonnant que vous ayez entendu parler de l'hommage rendu à Gisèle Halimi par Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée des droits des femmes le 8 mars dernier. Si ce dernier a fait polémique en raison de son caractère tardif, ce n'est pas aujourd'hui sur cela que j'ai envie de revenir. Alors bien sûr, je pense qu'une action de plus grande ampleur en la mémoire et en l'honneur de cette femme si essentielle dans l'histoire des minorités aurait été largement justifiée, et ce, sans attendre près de 3 ans après sa mort. Mais ces débats me donnent surtout l'occasion d'évoquer un aspect peut-être moins connu du parcours aux multiples facettes de Gisèle Halimi. Avocate de talent, née en 1927 et ayant grandi en Tunisie, dans le quartier de la Goulette, son engagement féministe doit être retenu. Le procès de Djamila Boupacha, celui de Bobigny, la signature du manifeste des 343 ou encore la criminalisation du viol sont autant de combats qu'elle a menés de manière acharnée et souvent isolée. Elle a aussi défendu de nombreux militants du FLN durant la guerre d'Algérie, refusant les jugements partiaux auxquels ils étaient exposés. Députée du mouvement qu'elle avait elle-même fondé, Choisir la cause des femmes entre 1981 et 1984, c'est finalement à l'échelle internationale qu'elle finira de s'illustrer, en devenant notamment ambassadrice de la France à l'UNESCO. Mais les qualités d'écrivaine de Gisèle Halimi ne sauraient être laissées de côté, c'est donc une triple suggestion que je vous propose aujourd'hui. Pour vous familiariser avec les combats multiples menés par Gisèle Halimi, je ne peux que vous recommander le livre Une farouche liberté, fruit d'entretien entre Annick Cojan et l'avocate la plus célèbre de France, qui y évoque son parcours. Et si vous voulez vous plonger plus directement dans la prose de celle qui, un jour peut-être, qui sait, pourrait bien être panthéonisée, vous pouvez dévorer les ouvrages Le lait de l'oranger ainsi qu'Une embellie perdue, romans poétiques et personnels qui vous feront goûter à la détermination et au courage d'une des plus grandes femmes de notre époque. Merci beaucoup à Mathilde pour ce flash hyper intéressant. Gaëtan, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Pour ce deuxième morceau, j'ai choisi de vous parler de Real Life de Burna Boy et Stormzy. Pour deux raisons. La première, c'est que Burna Boy est le plus gros artiste africain et le plus reconnu mondialement et en Europe, donc un featuring entre lui et un Britannique semblait naturel. Et deuxièmement, c'est que c'est un morceau sur de l'afrobeat, ce style particulièrement présent au Nigeria, qui est devenu viral notamment avec TikTok récemment, et dont Burna Boy est un grand représentant depuis plusieurs années. It ain't like you hearing it and it's like moving you. You know, music is, and the music you making is life, and it's like new life. It's important for me to understand the state of mind and the life you live and where you're, you know, where you're at right now. Pull up like surprise, surprise is the president. Can't you see that I'm in my element? I might just decide to slide on my enemies. I go along on a glide for the hell of it. I bring a different vibe when I'm stepping in. If a nigga ain't right, I'm correcting it. Everybody know for sure I'ma take it there. So close your teeth and dot your eyes when you're messaging. I never subscribe to guys on the internet, living for the clout, telling lies to the press again. Better don't take me for the fool, I ain't never been. Don't bother with lies, I'm wise when I'm checking them. I'm redirecting them back to this enderman. Then you go see reality, go start arresting them. Feel I see them no here when I was telling them. But life real, I ain't living like the rest of them. Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind, babe? You just follow your dreams, you gotta live your life. I give you something to believe in, I'ma be the reason. So please stay. Say you won't leave. Real life is for living, but the price you've been given is not cheap. So please stay. We'll share the whole fee, yeah. Real life is for living, there's just life. I wonder which style them guys then go trying out. Live on and ever, your mastery make you find out. I don't say nobody is an island, but if them won't fuck you from yash, make you no lie down. And I know you feel you can realize them, but the way you done they move, I know they like them. Somebody want to wear this shoe and no size. May I be destiny's child, a survivor. Real no be China. From young I've been a guy, and nothing I ever said ever been a lie. Anytime you see me look up in the sky, I can see the daylight in the night. When you see a soldier smile, it's a good sign. That's the way it is in the south side. I no go let you slide, no not this time. Right now I'm tryna rap a cocoa time. Goodbye. Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Tryna find my peace of mind. You said, how could you be so blind, babe? You just follow your dreams, you gotta live your life. I give you something to believe in, I'ma be the reason. So please, please stay. Say you won't leave. Real life is for living, but the price you've been given is not cheap. So please stay. We'll share the whole fee, yeah. Et c'était Real Life sur Europe & Roll. Ça c'est l'Europe, Europe & Roll. Nous sommes de retour sur Europe & Roll pour une émission spéciale Relations Europe-Afrique. Inès, tu es là pour nous parler de la reconnaissance de crimes commis par des Européens en Afrique. Bonjour Inès. Bonjour Léandra. Si on a tous en tête l'illustration de Bismarck qui, sous les yeux attentifs de ses collègues européens, découpe un gros gâteau qui représente l'Afrique, on sait peu ce qu'il s'est passé une fois que les puissances occidentales se sont appropriées les territoires africains. La conférence de Berlin, qui n'est pas un plan de partage mais qui fixe les conditions du partage de l'Afrique, marque le début d'une longue violence coloniale qui a atteint des points culminants, notamment lors du génocide des Nama et des Herero perpétré par l'Allemagne et lors de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Que s'est-il passé sur le territoire colonialisé de Namibie au début du XXe siècle ? L'administration coloniale allemande était présente dans le sud-ouest africain depuis 1884. Cette présence était corollaire d'une violence systémique qui se manifestait dans l'occupation, la spoliation de terres ou encore les exécutions arbitraires. Lassés par cette accaparation de leurs terres, qui représentait une violation de leur culture, les Herero se révoltent en 1904. Le général du Deuxième Reich, Lothar von Trotha, chargé d'étouffer la rébellion, organise l'extermination de l'ethnie Herero. Lorsque les Nama décident à leur tour de prendre les armes contre les Allemands, ils subissent le même sort. Les violences en Éthiopie ont également été déclenchées par une répression coloniale, c'est bien ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle le massacre d'Addis Abeba ou de Graziani, en référence au maréchal Graziani, chef de l'occupation éthiopienne depuis l'invasion du territoire en 1935. Pour protester contre la colonisation, des résistants érythréens commettent en février 1937 un attentat contre le maréchal Graziani, grièvement blessé. S'en suivent en signe de répression 3 jours de massacres aveugles, tuant femmes et enfants. Pour des raisons politiques d'alliance entre les Européens dans un contexte de pré-Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux n'ont pas dénoncé ce massacre, qui représente cependant pour l'Éthiopie une plaie béante. Doit-on alors parler de violences de masse ou de génocide concernant ces violences coloniales ? Alors la question de la qualification est en effet extrêmement importante. À quel moment peut-on parler de génocide, terme déjà très chargé depuis la Seconde Guerre mondiale évidemment ? Alors les Nations Unies définissent le génocide en rappelant l'étymologie du mot, Donc il est composé du préfixe grec génos, qui signifie race ou tribu, et du suffixe latin sid, qui renvoie à la notion de tuer. Dans le cas de la Namibie, on parle effectivement de génocide, dans la mesure où des techniques génocidaires ont clairement été utilisées. En plus des massacres de masse et des exils dans le désert, des millions d'Herero et de Nama sont morts dans des camps de concentration, comme celui de Shark Island, des suites de la réduction en esclavage, de la malnutrition ou de maladies. Plus de 60 000 Herero et 10 000 Nama ont péri. En Éthiopie, les violences sont particulièrement choquantes en raison de leur rapidité et de l'intensité à laquelle elles ont été perpétrées. On estime le bilan à plus de 20 000 morts en à peine 3 jours de massacre. Comment l'Allemagne et l'Italie appréhendent-elles aujourd'hui leurs histoires coloniales ? Alors en 1950, le maréchal Graziani est condamné par un tribunal italien, mais uniquement pour sa collaboration avec le régime nazi, et ne purgera d'ailleurs qu'une minuscule partie de sa peine. Et à ce jour, l'Italie n'a jamais présenté d'excuses officielles pour ce massacre. La Namibie, quant à elle, a dû attendre près de 100 ans pour obtenir des excuses officielles de l'Allemagne pour ce qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. En 2016, l'État allemand reconnaît sa responsabilité dans ces massacres, mettant fin à une sorte d'amnésie allemande sur son passé colonial. Après de laborieuses négociations, récemment, les deux États ont conclu un accord qui prévoit l'envoi d'1,1 milliard d'euros à la Namibie via des programmes d'aide au développement sur 30 ans. Le passé colonial des puissances européennes n'est donc certainement pas un sujet qui participe à la grandeur de l'Europe, mais c'est pourtant l'un des plus importants si l'on veut comprendre les relations actuelles de notre continent avec l'Afrique. Merci Inès et merci à toute l'équipe de rédaction. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Fadjet, dimanche à 13h et lundi à 17h30. N'oubliez pas de podcaster nos émissions disponibles sur Spotify et sur Encore.fm. Mais avant de nous quitter pour de bon, Gaëtan, quelle est la chanson finale de l'émission ? Alors on va finir avec le morceau Amapiano de Youssoupha. Après une carrière qui a fait de lui un pilier du rap français, Youssoupha est retourné vivre en Afrique entre Kinshasa, ville où il est né, et Abidjan. Il a depuis intégré beaucoup plus les sonorités africaines à sa musique et est devenu un moteur de l'industrie musicale en Afrique francophone, pour pousser les gros labels et les plateformes notamment à s'y développer. Amapiano, c'est un des premiers morceaux en français à partager au grand public ce genre musical né dans les townships sud-africains qui depuis envahit les boîtes de nuit et les instrumentales européennes. De la nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on fuck ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mots, mais mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga, la légende. Les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens. Ghetto à place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Amapiano. Amapiano. Je regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Amapiano.